LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Un matin gris et brumeux de novembre à Saint-Germain-les-Arpajons, on rend hommage à Raymond Gurem, voyageur, interné et résistant, mort en 2020. Je sais qu'il y a le neveu de ma grand-mère qui a été interné avec son père. Ils sont échappés d'un camp de concentration. Après, franchement, par rapport à ça, chez nous, on n'en parle pas beaucoup. C'est assez tabou. Dylan Chut. Je pense que ça remue beaucoup de douleurs. Et du coup, faudrait que je fasse les recherches personnellement. Mais pour le moment, même pour moi, c'est un peu douloureux. Parce que je sais qu'il y a des gens de ma famille qui ont été certainement... Je suis dans les camps, donc je pense que c'est pas le bon moment pour faire ces recherches. Peut-être plus tard. Reynardo Laurier. L'histoire de la famille pendant la guerre, elle est vraiment dramatique. Sur l'ensemble de la famille, on a 17 membres qui ont été internés, 14 sont morts, sont pas revenus, voilà. Internés en France ou... Alors non, en Allemagne, dans les camps, hein, oui. Le grand drame, ça a été naturellement quand mon grand-père s'est fait arrêter, ça c'était en Belgique, il repartait de la Belgique pour revenir vers le nord, et là il s'est fait arrêter, et puis... Par les Allemands ? Par les Allemands, et il a été ensuite transporté au camp de concentration d'Achaux. Et là, il est mort. Émile Schetz. D'après le peu qu'ils nous ont raconté, parce que comme je vous ai dit, ils nous ont caché plein de choses. Pas caché, mais ils ne voulaient pas en parler, quoi, c'est-à-dire. Il y a eu, dans un village à Sisteron, qu'il nous a dit, hein, c'est ça, à côté d'Agen, là. Son oncle, ma femme, là, ben, ses parents, tout ça, sa famille, ils ont été fusillés par les Allemands. Voilà, eux, ils étaient cachés dans les buissons. Et les enfants étaient cachés dans les buissons. Oui, oui, son oncle, il avait 6 ans à l'époque. Il a presque tout vu. Bon, je ne sais pas s'il a vu vraiment, mais il a écouté. Et ils ont fusillé, je crois, 17 personnes, avec les enfants, les femmes, tout. Puis les internés, quand ils les ont libérés, ben, ils les ont allés foutre une camp, et ils n'avaient plus rien du tout. C'est pour ça, peut-être, on disait à l'époque, peut-être falloir de poules, ou je ne sais pas si ça vient de là, mais il fallait manger, peut-être, c'était ça le truc. Bon, ils allaient aux harissons, ils faisaient la pêche à la main. Il fallait s'en sortir, quoi. C'est ça, hein, le truc. Michaël Guérin. Mes grands-parents avaient un carnet de circulation. Voilà, avant, ils avaient un carnet anthropométrique. J'ai des gens, des oncles et des tantes, des cousins qui aussi avec leur carnet. Les grands-parents de ma mère ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous en parliez avec votre famille ? Non. Alors, non, c'est en fait dans le cadre. Pour l'internement de mes arrière-grands-parents, c'est dans le cadre de ma recherche que j'ai découvert ça. Dans l'ombre de l'antidiganisme, troisième épisode, la République contre les nomades. Moi, j'ai eu mon grand-père qui a été prisonnier de guerre pendant 3 ans. Michel Soulès. Il était prisonnier de guerre, il est sorti de là, il faisait 35 kilos. Comme il était gitan, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui balançaient, nous on a survécu dans les archives des communautés gitanes où ils étaient balancés par les gens de la mairie en disant tel endroit il y a des gitans. Quoi. William Acker. Il y a des formes de non-dits dans notre famille où les vieux ne veulent pas parler de certaines choses. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère jusqu'en 2001, puisqu'elle est décédée à cette époque-là, et c'était la dernière survivante des camps de notre famille, en tout cas de notre famille proche, et elle en parlait très très peu. On savait quelques détails vagues. Elle s'était fait casser les doigts. On savait qu'elle avait perdu un frère, une sœur. On savait que ça avait été dur. On savait qu'ils avaient crevé de faim. C'était le terme qu'elle utilisait. On savait tout ça, mais on n'en savait pas beaucoup plus, en fait. Et cette histoire, en fait, elle a créé une forme de méfiance qui existe encore aujourd'hui parce que les personnes qui nous ont internés, enfin qui ont interné nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était des Français. Les camps étaient administrés par des Français, gérés par des Français. En 2019, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des recherches dans les archives départementales de la Sarthe. J'ai retrouvé une photo et je me suis dit, mais c'est ma mère. Et c'était la même tête quoi, que ma mère. J'avais l'impression de voir ma mère. En fait, c'était mon arrière-grand-mère. Et ce qui était touchant, c'est que en travaillant sur ces archives, par exemple, j'ai vu que mon arrière-grand-mère était dans un groupe de travail forcé, hein, de couture. Et j'ai dit à sa fille, ma tante, ta mère, elle était dans le groupe de couture. Elle me dit, c'est pas possible, elle savait pas coudre, elle aimait pas ça. Et j'étais scié, quoi. Ça m'a tué, en fait. Je me suis dit, mais oui, en fait, tout s'explique. Et y a tellement de choses perdues par ces non-dits et parce que la mémoire s'est pas transmise qu'il faut à tout prix déterrer ça, redonner ça, en fait. Un grand-oncle, une tante, un grand-père, un oncle, une grand-mère, toutes les personnes qu'on a été voir pour cette série, toutes, sans exception, ont eu une partie de leur famille assignée à résidence ou internée pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des camps en France ou en Allemagne, pendant plusieurs années. Une longue histoire d'internement, qu'on connaît mal, l'histoire d'une population rassemblée sous un terme administratif, créé pour elle, l'histoire très souvent de citoyens français et dont les familles vivent en France depuis le Moyen-Âge ou l'époque moderne, quand ces familles composaient les armées privées de l'aristocratie, avant de devenir des saisonniers et des marchands ambulants à une époque où le commerce ne se faisait que comme ça. Et comme l'explique l'historien Ilsen About, désormais, les bohémiens sont dans le collimateur. Alors en 1895 est organisé en mars de cette année-là un recensement dans l'ensemble des préfectures de tous les bohémiens de la République. Donc ce recensement, il est lié à des épisodes en lien avec des rumeurs qui laissent entendre l'existence de groupes criminels en circulation en France qui seraient reliés à des chefs supposés et organisant des razzias, des vols dans les campagnes. Donc on est à un moment donné où la question de la sécurité des campagnes, en lien avec l'intégration des mondes ruraux dans le projet républicain, est fondamentale. Théophile Leroy, historien, spécialiste des persécutions faites aux Roms, Sinté, Manouche, Yéniche et voyageurs en Alsace et en Moselle. Il y a aussi cette idée des nationalismes qui émergent et la figure du voyageur se transforme un peu en figure du bohémien, de l'étranger, de la personne qui circule, qui traverse les frontières. Mais avec les nomades, c'est encore plus que les étrangers, c'est vraiment une question. Enfin, c'est plus que la question de l'étranger, c'est la question aussi de la criminalité et de la socialité. C'est-à-dire que les personnes itinérantes vont être de plus en plus associées à des personnes qui refusent le monde moderne, le monde civilisé, entre guillemets. Lise Foineau, historienne et anthropologue, elle a travaillé sur les collectifs romani et voyageurs de France face à la guerre. L'une de mes hypothèses, c'est qu'à la fin du 19e siècle, arrivent en France de nouveaux collectifs romani, des Sinti et des Roms, qui vont être extrêmement visibles dans l'espace public. Ils vont attirer l'attention d'écrivains, de journalistes, de peintres. Donc en fait, il faut imaginer que tout d'un coup arrivent en France des personnes, pour les Roms notamment, qui vont s'installer dans des faux chemins, sur des places de village, dans des champs, et qui vont, pour la plupart d'entre eux, dresser des tentes. Et donc cette nouveauté dans le paysage français va attirer l'attention. Donc, il y a une sorte d'actualité autour des personnes qu'on qualifie de bohémiens. Hein, le terme tzigane n'est pas vraiment employé en France à cette époque. Et donc, l'arrivée de ces bohémiens étrangers va précipiter des débats autour de comment faire pour enserrer cette population et essayer de la contrôler. Et donc c'est comme ça que plusieurs débats vont avoir lieu à l'Assemblée nationale, dont un en 1907, où la question est posée par un député très frontalement qui dit « Mais qu'est-ce qu'un Romanichel ?» Et là, chaque député y va de son de son préjugé, j'ai envie de dire, en disant un nomade, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Un nomade, c'est quelqu'un qui vit dans le midi l'été et qui va dans le nord l'hiver, etc. Bon, chacun y va de sa petite phrase. Et l'un de ses députés va dire, mais il y a ce signe de race que vous connaissez comme moi. Donc, en séance de la Chambre des députés, le terme de race est prononcé quand il s'agit de savoir ce qu'on va faire avec ces nouvelles populations. Sauf que comme nous sommes en République et qu'il n'est pas possible d'utiliser un critère racial, les députés, petit à petit, vont réfléchir à une façon d'enserrer ces populations sans employer de critères raciaux. Et donc, le critère qui va être retenu, c'est celui de la mobilité. Et plus encore, de la mobilité familiale. C'est pour ça que le terme qui va être choisi pour désigner ces populations est celui de nomade. Puis ensuite, en 1907-1908, il y a une campagne d'identification qui est menée par les nouvellement créées Brigades du Tigre. Et en fait, ces brigades sont rompues aux nouvelles techniques d'identification que sont le bertillonnage, donc d'Alphonse Bertillon, qui repose sur la photographie, l'anthropométrie, la dactyloscopie aussi. Et donc, ces policiers spécialisés vont sillonner les principales villes de France et vont procéder à l'identification de familles nomades. Donc ces familles vont être convoquées par les brigades de gendarmerie qui savent où est-ce qu'elles résident et vont être, pendant plusieurs jours parfois, vont être photographiées, mensurées et enregistrées. Et ces premières campagnes d'identification vont être globalement assez bien reçues par les pouvoirs publics. Et donc ils vont essayer d'étendre et de systématiser ce régime d'identification. En 1912, une loi est votée au Parlement qui répartit les voyageurs en trois catégories. Loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades. Titre 1, les marchands ambulants. Tout Français ou étranger exerçant une profession, une industrie ou un commerce ambulant, soumis ou non à la patente, hors de la commune dans laquelle ils ont soit leur résidence fixe, soit un domicile où ils reviennent périodiquement. Titre 2, les forains. Tout individu de nationalité française qui n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe se transporte habituellement pour exercer sa profession, son industrie ou son commerce dans les villes et villages les jours de foire, de marché ou de fête. Titre 3, les nomades. Sont réputés nomades, quelle que soit leur nationalité, tout individu circulant en France, sans domicile ni résidence fixe et ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus, même s'ils ont des ressources ou prétendent d'exercer une profession. Donc le terme de nomade, c'est pas un terme, enfin dans le cas des Roms, des Gitans, des Sintés, etc., c'est pas un terme ethnographique, c'est un terme administratif, c'est une catégorie administrative qui voit le jour en 1912 et qui va permettre de soumettre toutes les personnes qui sont considérées comme nomades à des politiques de contrôle, notamment par le port du carnet anthropométrique, qui est un carnet que tous les nomades doivent avoir sur eux et présenter à chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils repartent d'un lieu. Et c'est cette catégorie administrative de nomades qui va permettre en 1940, un regroupement très rapide des différents collectifs romani et voyageurs et qui va précipiter leur assignation à résidence. Stéphane Reinhardt est un homme jovial, bavard et accueillant, du genre à faire des calembours et à s'accrocher vaillamment à sa bonne humeur quand la tragédie s'invite dans le paysage. Et ce jour-là, dans un petit cimetière de village alsacien, sous un soleil d'automne inespéré, c'est l'histoire de sa famille, dont on a presque oublié qu'elle était manouche, qui est inscrite sur le monument aux morts. Alors là, on arrive au monument aux morts de Durmenac. Alors, Durmenac, il y a quelque chose de particulier sur ce monument qu'on ne trouve pas toujours ailleurs, ou même très rarement. Ils ont rajouté deux petites victimes manouches qui habitaient Durmenac avant-guerre. Donc vous avez la commune de Nurmenac aux victimes de la Shoah, voilà, puisqu'il y avait aussi une forte concentration de juifs. Et ils ont eu l'heureuse idée de rajouter ces deux petites victimes qui sont décédées à Argelès à un mois d'intervalle en 41, voilà. Donc Iti Joseph, 3 ans. 3 ans et Lafartin Marcel, 4 ans, oui. Et qui s'étaient retrouvés dans ce camp parce qu'ils avaient été... Parce qu'ils étaient manouches, tout simplement. Et donc parce qu'ils avaient été signalés comme nomades. Mais même pas signalés, non, ils savaient de toute façon. Ils avaient un carnet anthropométrique. Oui, ça de toute façon, j'ai celui d'Antoine Lafertin ici, hein, dans le carnet, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et alors justement, Stéphane Reinhardt, pour cette interview qu'on fait ensemble, vous avez préféré choisir un autre nom. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce n'est pas votre nom qu'on entend dans cette émission aujourd'hui? En fait, ce n'est pas compliqué. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui portent ce nom. Et voilà, on est très bien intégrés dans la population, dans le coin et ailleurs, dans toute la France. Et voilà, je ne voudrais pas qu'ils subissent ce que moi j'ai subi dans mon enfance. Que ce soit le regard des autres très lourd, des moqueries et beaucoup de choses, même plus tard quand j'étais... adulte et j'ai été dans différents endroits, chaque fois que j'ai prononcé ce mot-là, il y avait toujours quelque chose de lourd derrière et des questions qui nous revenaient, qui n'étaient pas toujours intelligemment posées. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui fait que voilà, je veux protéger mes enfants et puis et mes petits-enfants. C'est pas plus compliqué que ça, voilà. Ilsen About. Cette obsession identitaire, elle se produit dans l'ensemble de l'Europe et disons, aboutit à des formes de définition de ce que sont les nationaux et de ce que sont les anationaux. Donc ces frontières vont être définies de plus en plus clairement dans tous les États européens et va aboutir à des législations sur les étrangers, sur les coloniaux évidemment, et cette pensée va se déporter vers les espaces nationaux métropolitains afin de définir ce qui est national et ce qui se trouve à la marge de cette catégorie soi-disant homogène. Donc les communautés itinérantes, les groupes itinérants vont être désignés comme les étrangers de l'intérieur. C'est l'émergence de cette catégorie nomade. On met dans la catégorie nomade ceux dont on veut tout simplement se débarrasser, mais il faut quand même préciser que dans le décret d'application de cette loi, il y a une définition qui est donnée du nomade. Et cette définition est quand même très explicite sur la question des personnes qui sont visées. Donc si je vous lis les deux premières phrases de ce décret d'application qui précise qui sont les nomades sont généralement des roulotiers n'ayant ni domicile, ni résidence, ni patrie, la plupart vagabonds, présentant le caractère ethnique particulier aux Romanichel, bohémiens, tziganes, ritanos, qui, sous l'apparence d'une profession problématique, traînent le long des routes sans souci des règles de l'hygiène ni des prescriptions légales. En 2012, avec Renaud Dalmar, on était allé voir Raymond Gurem sur son terrain, où se trouve sa maison, son ancienne caravane et celle de ses enfants. Et de ce terrain, à Saint-Germain-les-Arpajons, il voit le camp de l'INAS, dans lequel il a été interné avec sa famille, alors qu'il était adolescent. Ah, celui-là, là, il vient de petite couronne, où mes parents ont été arrêtés. C'est quoi, c'est un panneau interdit aux nomades? Ah bah oui, c'est marqué dessus. Et tu vois, tous les jours, je passe un petit coup de chiffon. Ah, il est tout propre. Qu'il soit bien propre. Tu vas dans la maison? Bah ouais, hein, y a plus de place. Hein. Du côté de ma mère, c'était des vanniers. Ils faisaient les paniers. Alors en ce temps-là, tous ceux qui avaient des tout petits métiers comme ça, ils étaient compris comme nomades. Alors ils leur délivraient le carnet anthropométrique. Quand vous venez au monde, eh ben, ils vous remettaient sur le livret votre nom, votre âge, la couleur des yeux, la forme du visage. Les empreintes digitales. Article 8. Le carnet anthropométrique porte les noms et prénoms, ainsi que les surnoms sous lesquels le nomade est connu, l'indication du pays d'origine, la date et le lieu de naissance. Il doit en outre recevoir le signalement anthropométrique qui indique la hauteur de la taille, celle du buste, l'envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l'oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaire gauche, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux. Des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies, profil et face, du porteur du carnet. Article 3. Les nomades doivent fournir un certificat constatant qu'ils ont été vaccinés ou revaccinés avec succès depuis moins de 10 ans. Le maire peut, quand il le juge nécessaire, faire procéder à la visite de leur voiture ou des locaux qu'ils occupent pour vérifier tant l'état de santé des individus que la salubrité des locaux et des voitures. Et partout qui passait, ils arrivaient pour qu'ils aient fait signer le carnet à la gendarmerie. Alors c'est eux qui repartaient pour le carcine, quoi. Ils restaient 3-4 jours et puis après ils s'en allaient, quoi. Les cousins de ma mère, c'était des malheureux, quoi. C'était des bagnés. Ils savaient ni lire ni écrire. Quand ils signaient, il fallait lui passer une croix, alors. Tout de suite, les gens, ah, allez, celui-là, carnet nomade. Ils cherchaient pas à comprendre. Et vous donnez tout de suite les papiers, hein. Enfin, les gros papiers, les gros carnets, qu'on appelait ça. Et il fallait toujours l'avoir sur soi ? Ah bah oui, hein, comme une carte d'identité. Vous étiez pris sans carnet, vous embarquez, puis vous mettez à la gendarmerie tant qu'ils vous épluchent, tant qu'ils prennent le renseignement, quoi. Donc vous étiez en fait tout le temps, on était tout le temps en relation avec l'administration, en permanence, quoi. On était suivis pas à pas. Ils nous suivaient à la trace, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y en avait qui essayaient d'avoir, au lieu d'avoir le livret anthropométrique, le carnet anthropométrique, qui essayaient d'avoir le carnet forain, par exemple ? Oui, ben, il fallait qu'il ait un métier. Il avait un métier, il délivrait un carnet forain. Comme mon père, nous, on faisait du cirque, du cinéma, on a eu tout de suite le carnet forain. Parce que ça, les parents à mon père, ils faisaient déjà du cirque. Et du cinéma, et puis une de mes tantes, là, elle avait un théâtre ambulant. Parce que du côté de mon père, ils avaient tous des gros métiers. Ils avaient des scotters, ils avaient des chenilles, ils avaient des manèges en bois, là, comme dans le temps. Là. Du côté de mon père, c'était tous des gros métiers. Et je crois qu'il y avait aussi des plaques, il fallait mettre une plaque sur les véhicules. Ouais, une plaque bleue et blanche, avec le tampon de la préfecture. Ça, c'était le pire de tout, parce que ça désignait... C'était une honte pour ceux qui l'avaient, quoi. Les gens, ils voyaient tout de suite et la plaque d'arrière. Et obligatoire derrière la voiture. Comme une plaque de voiture, d'auto, là, pareil. Ils avaient un matricule avec un numéro et il fallait que la plaque... Ils délivraient la plaque en même temps que le livre anthropométrique, quoi. Et l'inscription d'un mineur dans ce carnet collectif prévoit, par définition, l'émission d'un carnet individuel à sa majorité. Si bien que la naissance d'un enfant dans une famille désignée comme nomade impose son inscription dans cette catégorie à sa majorité, et ainsi de suite, de génération en génération. Donc c'est un statut héréditaire. C'est un statut effectivement héréditaire. Oui. Donc on parle d'inscription généalogique, inscription des familles. C'est en cela que cette loi est profondément discriminatoire, dans le sens où elle crée un statut pour une communauté supposée donnée, définie dans des termes ethniques, hein, qui détermine l'existence d'un groupe à part de la population française. Et le monde du voyage aujourd'hui, si je peux faire un bond en avant, est en fait l'héritier de la construction de cette catégorie administrative, parce que à un moment donné, on a agrégé des populations qui n'avaient pas grand-chose à voir ensemble historiquement, et même de par leur mode circulatoire ou leur profession. Peu à peu, ils ont une histoire maintenant commune, et le monde du voyage aujourd'hui est le résultat finalement de la création de cette catégorie en 1912. Décret du 6 avril 1940. Le Conseil des ministres, entendu, décrète. Article 1. La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre. Article 2. Les nomades sont astreints à se présenter tous les 15 jours qui suivront la publication du présent décret à la brigade de gendarmerie ou commissariat de police le plus voisin du lieu où ils se trouvent. Il leur sera enjoint de se rendre dans une localité où ils seront tenus à résider sous la surveillance de la police. But de la réglementation nouvelle, les incessants déplacements des nomades au cours desquels ils peuvent accueillir de nombreux et importants renseignements peuvent constituer pour la défense nationale un danger très sérieux. Les préfets vont faire rentrer dans la catégorie nomade des individus qui ne l'étaient pas avant-guerre et dont ils veulent se débarrasser. Il y a toute une partie des collectifs romani qui ne voyagent pas pendant la première moitié du XXe siècle. Les collectifs romani ne sont pas tous nomades, pas du tout, ça c'est une idée reçue. Or, en 40, puisque quand on est nomade, on doit être assigné à résidence, certains préfets vont faire entrer dans cette catégorie des personnes qui ne l'étaient pas pour pouvoir les mettre sous la surveillance de la police. Et qui est-ce qu'on va faire entrer dans cette catégorie en 1940 ? On va faire entrer dans cette catégorie des Roms, des Sintés, des Gitans, presque uniquement, des personnes d'origine romanie. Et qui avaient finalement échappé à la loi de 1912 avant-guerre. Pourquoi est-ce qu'on décide d'assigner à résidence les nomades en 1940 ? Officiellement, la raison qui est donnée par le décret du 6 avril 1940, c'est que les nomades seraient des espions en puissance. Parce qu'ils se déplacent, ils peuvent observer les déplacements de troupes et aller dire à la puissance ennemie où se trouvent les différentes troupes françaises, etc. Donc il y a une sorte d'imaginaire du nomade espion qui est la justification officielle, si je puis dire, du décret d'avril 40. La conséquence directe du décret du 6 avril 1940, c'est une famine organisée par la Troisième République et ensuite par le régime de Vichy. Donc en effet, d'un côté, on dit bon, bah, on assigne à résidence pour sédentariser, ça va être un bien, mais d'un autre côté, on empêche les nomades assignés à résidence d'habiter dans des maisons, on les expulse alors qu'ils sont assignés à résidence. On ne leur donne pas les moyens de travailler, parce qu'ils n'ont pas le droit, quand on est assigné à résidence, on n'a pas le droit de quitter le périmètre de la commune. Donc quand on est étameur, on a rapidement fait le tour, ou quand on est vannier, on a rapidement fait le tour du voisinage et on a rapidement vendu ses services à tout le monde. Donc on n'a plus les moyens de subvenir à ses besoins, mais on n'a pas le droit de se déplacer. Et donc assez rapidement, ces gens-là se mettent à crever de faim très concrètement. Et ces personnes, il faut le dire, c'est souvent des couples qui sont parents de très nombreux enfants. Donc les premières victimes de l'assignation à résidence en France, ce sont des enfants. Et mon père, déjà en 14, il y en avait des gens qui ont été dans les camps de concentration en 14. Oui, ceux qui étaient de l'Alsace, de la Moselle. Ouais, il avait repensé à ça et il a dit « j'arrête le voyage pendant la guerre ». Et je vais travailler. Ça fait qu'il s'est embauché au haut fourneau à Petite Couronne. C'est sa fonderie, quoi, les hauts fourneaux. Et il a travaillé là. Et le propriétaire de l'usine, il avait des grands terrains. Il avait dit à mon père, tu mets ta caravane dessus. Et vous restez là jusqu'à... Enfin, tant que vous travaillerez, quoi. Et votre père, il avait fait la guerre en 14-18 ? Ah oui, madame, il a même été médaillé et tout, hein. Il a eu des médailles et tout. Hein. Et il a été blessé et gazé. Ça y a tenu toute sa vie, hein. Il n'a jamais guéri de ça. Hein. Et il avait une pension pour ça. Il avait donné une pension et tout. Et vous vous souvenez du jour, Raymond Gurem, où votre famille s'est fait arrêter ? Eh ben oui, parce qu'en ce moment-là, vous voyez, c'était le moment de l'exode. Et couché à 6 heures du matin, toc, toc, toc, mon père est chez, il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, allez, vous démontez votre chapiteau, remballez vos affaires, vous allez nous suivre. Alors mon père, il dit, vous suivez-vous ? Ben, il dit, vous le verrez bien, bon. Et puis il y en a un dedans, il dit, allez, puis dépêchez-vous, on n'a pas de temps à faire. Ma mère, elle dit, oh, si t'as pas de temps à faire ça, moi j'ai pas le temps, t'attendras que mes enfants déjeunent. Bon, après, elle nous a fait déjeuner et tout. Puis après, bon, ben, on a été obligé de partir. Alors, il y a un gendarme, parce qu'ils avaient les motos avec des sidecars en ce moment-là, une petite machine à côté, là, petit sidecar, quoi. Hein, qui a passé devant et derrière, puis nous a emmené à Darnétal. Mais alors, comment ça se fait que vous avez été arrêté? Parce qu'à l'époque, soi-disant, on arrêtait ceux qui avaient le carnet anthropométrique, les nomades. Et vous étiez forain. Ils embarquaient tout le monde. Ils ne regardaient pas si vous avez le carnet forain ou si vous avez le carnet anthropométrique. Du moment où vous étiez dans une caravane, allez hop, embarquez. Moi, j'ai connu même hein, des gens qui étaient sédentaires, ils ont été les chercher pour les mettre dans les camps. Ils n'étaient plus en caravane, mais ils étaient sédentaires. Et ça, ça venait des maires. C'est les maires qui faisaient ça. Les maires et les préfets, quoi. Hein? Oui. Au moment où le décret du 6 avril 1940 est pris, qui donc assigne à résidence et qui interdit la circulation des nomades sur le territoire métropolitain, un certain nombre de personnes ont en tête ce qui s'est passé pendant la guerre de 14-18, à savoir qu'un certain nombre de bohémiens ont été internés dans un camp à Crest, dans la Drôme. Donc en effet, l'une des stratégies qui va être mise en place très rapidement dès la promulgation de ce décret, c'est essayer de faire disparaître tout ce qui peut faire ressembler finalement à un nomade. Donc de nombreuses familles ont brûlé leurs roulottes, leurs caravanes, ont vendu leurs chevaux et ont loué ou acheté ou rejoint des terrains qu'ils avaient déjà pour essayer de se fondre dans le tissu social français et passer inaperçu au moment où on assigne à résidence et où on va interner les nomades. Alors, s'ils ont fait le premier, c'est de prendre les chevaux et puis les embarquer. Hein. Alors, ils ont dit, le monde, mais nos chevaux, ben, ils disent que vous les aurez comme vous reviendrez. Ouais, mais ils n'ont jamais rien. Ils n'ont même pas fait un papier comme quoi ils avaient pris les chevaux pour les. Bon, aller réclamer quoi? Hein? Donc, vous avez tout abandonné derrière vous, tout, le cinéma, ben, tout, le cirque, et puis tout. On a monté dans les camions de Darnétal à Sotteville-lès-Rouen. Alors, à Sotteville-lès-Rouen, c'est une gare de triage. Il y avait trois wagons imbéciaux qui étaient sur le quai, comme ça, alignés. Ils nous l'ont fait monter dedans. Puis il y avait plein de flics qui attendaient qu'on arrive. Et ils l'ont fait monter dans les wagons imbéciaux et ils nous ont ramenés là. Alors ici, on arrivait à la gare de Boitigny, là. Il y avait un cordon de flics qui était là, qui nous attendait, là. Ils nous ont pris, puis ils nous ont fait marcher à travers champs jusqu'à l'île de Montlhéry, là-haut. À coup de trique, à coup de matraque, tout, c'est vrai. Hein. Et là, ils sont révoltés, les. Bon, ils n'ont rien pu faire parce que les petits gosses étaient fatigués, puis les vieux qui. Ils foutaient des coups de crosse dans les reins des vieux pour les faire. Hein. Alors les jeunes, ils ont dit, oh, il y en a marre, hein. À taper qu'ils ont sauté sur les gardiens, et puis boum, boum, ils sont battus. Et il y en avait trop, en rien de temps, ils ont été matraqués aussi, quoi. Il y avait quoi? Il y avait une dizaine de baraques. Moi, j'ai resté un an, je me suis évadé deux fois. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'internement des nomades commence en France sous la Troisième République et avant l'occupation allemande. Et une fois que les Allemands occupent la France, ils demandent au gouvernement, en octobre 40, d'interner les Tziganes dans des camps en zone occupée. Mais ce qui est intéressant et notable, c'est que la catégorie française de nomades leur convient tout à fait. Mais comme l'explique l'historien Théophile Leroy, Vichy sera aussi à l'initiative de politiques raciales à l'encontre des nomades. Et ensuite, en 42 surtout, il y a une logique de concentration. Donc on va fermer les premiers camps et rassembler les nomades progressivement dans des plus grands camps, comme à Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire, comme à Jargeau aussi dans le Loiret, également aussi en zone sud. Donc là, c'est le Vichy qui met en place cette politique. Il va y avoir la création du camp de Salier, faire un camp spécifique, dédié, spécifique à cette race. Donc là, c'est vraiment dit, enfin, dans les minutes, voilà, les minutes d'une conférence qui est en mars 42, qui se déroule à Vichy, où les principaux responsables, enfin, les principaux personnes qui s'occupent de cette question se réunissent et décident de créer un camp en Camargue, qui est considéré comme le berceau de la race gitane. C'est comme ça que c'est dit. Et ce camp voilà, est censé accueillir, enfin interner, pardon, est censé interner tous les personnes nomades de la zone sud. Donc on a vraiment une politique assez autonome ici du régime de Vichy, qui n'est pas du tout influencée par l'Allemagne. Sandra Théodore est la nièce d'Henriette Théodore, qui a été internée enfant dans la Sarthe. Elle est venue me chercher à la gare après sa journée de télétravail. Et à son travail, personne ne sait qu'elle vient d'une famille de voyageurs. On s'est installés toutes les deux dans la lumière de la fin de journée, dans le salon de sa maison silencieuse. Le chat nous regardait de l'autre côté de la baie vitrée, pendant qu'elle raconte l'histoire de sa famille. Moi, mes grands-parents donc, étaient stationnés à l'époque donc, dans la Sarthe, au Mans. Et ils ont tout simplement été dénoncés par le voisinage. Donc, ils ont été arrêtés pour nomadisme. Ils ont été arrêtés donc, en juillet 1941 par la police du Mans, où ils ont été directement transférés au camp de Coudrecieux dans la Sarthe. Donc, mon arrière-grand-mère, mes grands-parents, mes deux tantes, donc Laline, Paulette et Georges. Et ils avaient quel âge, leurs enfants ? Alors, au moment de l'arrestation, donc, ma tante aînée avait 8 ans, sa sœur Paulette elle avait 5 ans et son petit frère Georges, 3 ans. Ensuite, le camp a fermé ses portes pour des raisons d'insalubrité. Ils ont été ensuite, donc en 15 avril 1942, transférés vers le camp de Mulsanne, toujours dans la Sarthe, pour ensuite, de Montreuil-Bellay, aller en janvier 1945 dans le Loiret, au camp de Jargeau. Ils ont été libérés après la libération le 20 juin 1945, donc 4 années d'internement. Alors, est-ce que vous avez des récits, des témoignages de comment se passait leur vie dans ces camps successifs ? Très peu de nourriture, des conditions d'hygiène, il n'y en avait pas. Ils sont arrivés avec leurs vêtements, ils sont repartis avec leurs guenilles, en fait. À savoir que ma grand-mère a perdu un bébé à Montreuil-Bellay. Les bébés ne pouvaient pas survivre, hein, de toute façon, à Montreuil-Bellay. Il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas d'éducation, il y avait de l'école, visiblement, que le jeudi à Montreuil-Bellay. Et est-ce que vous savez si votre grand-père était obligé de travailler ? Comment ça se passait ? Alors oui, mon grand-père a travaillé avec d'autres hommes du camp aux usines Renault du Mans, où là, ils se sont soulevés, ils ont fait grève. Ils n'ont pas voulu travailler et laisser leurs femmes et leurs enfants sur place. Donc, retour à la case départ, ils ont été de nouveau internés avec leur famille. Et est-ce que vous savez s'ils ont tenté de s'évader ? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont tenté des évasions dans ces camps. Alors oui, mon oncle Georges, il avait seulement 3 ans, il a tenté de s'évader. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Lorsqu'il y a eu les bombardements, justement, à Montreuil-Bellay, ils ont réussi à s'échapper tous du camp, sauf que les Montreuillais, donc les agriculteurs, les paysans du coin, les ont chassés avec la fourche. Et est-ce que parfois, ils avaient de l'aide de l'extérieur, des gens qui leur apportaient à manger, qui essayaient de les aider à tenir le coup ? J'ai posé justement la question et ma tante me disait qu'ils étaient plutôt l'attraction dominicale des Montreuillais, plutôt qu'ils avaient aucune pitié, en fait, ils n'apportaient pas de vivre ou quoi que ce soit. Non, c'était plutôt une attraction, quoi. Un zoo vivant, quoi. Et qu'est-ce que c'est les souvenirs les plus marquants, les choses les plus fortes qui vous restent de ce témoignage qu'elle vous a livré ce jour-là ? Le fait qu'elle ait bu son urine à un moment donné tellement qu'il crevait de faim. Et l'accouchement de ma grand-mère à Montreuil-Bellay, où elle a accouché toute seule, comme une bête, quoi. Pire qu'une bête, hein, finalement. Donc il y a eu des femmes. Et il y a une autre partie qu'il faut souligner, qu'on ne parle jamais, que ce soit dans les archives, que tout le monde se tait sur ce sujet. Il y a eu des viols au camp de Montreuil-Bellay. Donc voilà, où les plus belles jeunes filles étaient sélectionnées. Et voilà, où il y avait certains surveillants qui... Mais à ce moment-là, oui, voilà, c'est ça, toutes les femmes l'ont dit. Les nomades sont la population internée qui s'est le plus évadée des camps d'internement français, toutes catégories d'internés confondues. Parfois, on s'évade aussi pour rejoindre les maquis et pour se battre contre l'occupant et le régime de Vichy. D'autres vont refuser de travailler, il va y avoir des manifestations dans des camps, il va même y avoir des insurrections. À Mulsanne, les internés ont réussi à sortir du camp à briser la barrière. Et les autorités françaises qui étaient en charge de ce camp ont dû faire intervenir les Allemands pour faire rentrer les internés dans l'enceinte fermée. Le 5 octobre, je me suis évadé parce que, pour avoir la soupe, on marchait à la file indienne, un derrière l'autre, comme ça, avec la gamelle. Et il y avait un petit jeton, il était un peu plus comme ça, comme la table. Un petit jeune, un tout petit, un bébé, quoi. Hein. Et à chaque fois, il mangeait, il avalait, parce qu'il n'y avait rien. C'était fini, hein. Une cuillère à peau qu'il donnait à chaque personne. Et c'était plutôt de l'eau que... Alors il buvait ça vite fait et il revenait se mettre devant moi. Ça fait qu'il repassait. Il avait un peu plus. Quoi. Puis le gardien, il l'a vu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Alors moi, je dis au gardien, oh. Il dit, s'il est là, c'est qu'il a faim. Hein. Ah, il dit, tu veux dire rabiot? Bon. Il met un coup de louche sur la tête. Bon, le gamin, il tombe par terre assommé. Hein, t'es les grosses louches en ferraille, là. Moi, je vois le gamin par terre, qu'est-ce que je fais? Prends, je lui mets un coup de poing au gardien. Alors, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont enchaîné, puis ils m'ont mis au mitard. Alors, j'ai resté, quoi, une semaine au mitard. Attention, les mains dans le dos avec les menottes, hein. Alors, comme j'étais souffle, moi, hop, je passais les menottes devant, puis, sans ça, je pouvais pas manger, rien. Avec les menottes, j'ai réussi à creuser autour des clous, là, et les planches, parce que c'était une porte en bois, là. Alors j'ai commencé à creuser, puis après, j'ai vu les planches qui bougeaient, bon. Alors allez, il me restait un peu de ma gamelle, j'ai baissé mes mains, et hop, avec les pieds comme ça, quoi. Mais tout ça, là, la viande, vous voyez, tout ça était parti, là. Vous avez arraché les menottes, en fait. Oui, mais la viande est venue avec. Ça passait pas, hein. Ici, c'était prêt au poignet, et tout ça, il fallait que ça passe. J'ai foutu un coup de pied dans la porte, j'ai monté dans un arbre en courant vite fait et je me suis caché dans l'arbre. J'entendais à pied, hein, de Montlhéry, là, jusqu'à Rouen, j'étais à pied. Hein. J'ai rentré dans notre caravane, je me suis changé, j'ai pris du linge et je suis parti en Bretagne, travailler dans les fermes. Et puis je suis revenu au mois d'avril pour redonner à manger à mes parents et plus personne. Puis après, j'ai appris qu'ils étaient à Mulsanne. Ça fait de Bretagne, j'allais jusqu'à Mulsanne, là. Je rachetais aussi autour, là. Il y avait des fermiers, j'avais un fermier, il me faisait du pain. J'avais dit, mes parents sont dans le camp, là, ils connaissaient tous le camp. Là. Alors ça fait que le fermier, il me faisait des grosses boules de pain. Pour moi, hein, pour donner à mes parents. Je ne faisais pas payer, rien. Et j'avais le charcutier de Brissac, qui restait à côté. Il me donnait tous les restants de les machins de jambon, tout ça, tu sais, qu'il coupait, là. Il mettait ça de côté, puis quand je passais, il me le donnait pour m'emmener au camp, quoi. Et le dernier coup, là, quand j'avais été, je suis arrivé avec le manger et tout, mais plus personne. Alors, je savais pas qu'il était transféré, rien du tout. Il était transféré à Montreuil-Belay. J'étais deux, trois fois aussi, puis là, le gardien, il m'a tombé dessus. Je savais même pas, c'est ma sœur poupée qui m'a dit « Attention, Raymond, il te vise !» Il me retourne, il y avait le fusil. Alors j'ai pris le fusil, j'ai arraché le fusil, puis j'en ai mis 5-6 coups sur la tête. Et j'ai pris le fusil, je l'ai cassé sur la ligne et je suis parti. Et après, j'ai pu retourner parce que ça chauffait trop. Ouais. Stéphane Reinhardt porte littéralement sur lui l'histoire de son grand-père et de sa grand-tante, dans un grand classeur bien rangé, où il garde précieusement les documents photocopiés et les fiches qu'il a rédigées dans des chemises plastifiées. Il est devenu l'enquêteur et le gardien de cette histoire familiale. Et là, j'ai un truc flagrant que j'ai retrouvé. Donc ça concerne une sœur qui s'appelait Justine, une sœur à Marcel Reinhardt, et qui s'était installée sur un bout de terrain qui lui appartenait. Et donc, la gendarmerie est envoyée sur place et elle fait un rapport 19 mai 40. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la nommée Reinhardt Justine ne remplit pas les conditions pour être dirigée sur le lieu de concentration des nomades à Cernay. En effet, cette fille n'est pas considérée comme nomade au sens de la loi. Elle est domiciliée à Wittelsbach dans une baraque ancienne roulotte sans roue depuis 1934 et n'a jamais circulé depuis. Elle ne possède d'ailleurs pas de carnet anthropométrique et d'identité. Sa famille résiderait à Dinsheim, près de Mutzig, dans le Bas-Rhin. Voilà. Mais l'Alsace, ce n'était pas la France. Elle a été vendue, les Allemands sont venus la chercher. Et donc on a retrouvé dans les archives de Colmar toujours, effectivement, le SS Brugger qui est venu la chercher. Elle a passé 8 jours en prison à Mulhouse et elle a été expulsée à Social dans la France intérieure. Et il y a eu un arrêté préfectoral pour l'enfermer à un hôpital psychiatrique où ça s'est très mal passé aussi après à Montpellier. Et elle, après, bien sûr, elle a aussi vécu la misère dans cet hôpital psychiatrique. Cette pauvre Justine, elle est décédée en 1946 au retour à Montpellier d'une tuberculose osseuse. Voilà. Bien sûr, quand on n'a rien à manger, c'est comme ça que ça se passe. Un certain nombre de nomades, français ou étrangers, ont été déportés de la France vers l'Allemagne. En tant que tziganes, mais pas seulement. Parfois aussi en tant que prisonniers pour fournir de la main-d'œuvre aux Allemands. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura eu au moins une 40aine de camps en France et au moins 7000 personnes internées. Et ce qui est certain, c'est que les camps en France sont sous administration française et qu'ils restent en fonction après la fin de la guerre. La particularité de la persécution des nomades en France, c'est qu'elle commence avant l'occupation allemande et qu'elle finit bien après. Le décret du 6 avril 1940 ne sera abrogé que le 1er juin 1946 et cette abrogation sera notifiée au préfet français que par un télégramme le 22 juillet 1946, donc bien après le départ des autorités allemandes. Dans le télégramme du 22 juillet 1946 qui rappelle au préfet que le décret d'assignation à résidence est caduc, il est dit, et je cite ce décret, qu'il faut maintenant profiter des résultats heureux de la politique à l'égard des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que le gouvernement de la Libération et la 4ème République va s'appuyer sur les persécutions de la Seconde Guerre mondiale, les soi-disant effets positifs de cette persécution, pour créer une politique spécifique à l'égard de cette population après-guerre. Ça veut dire que le carnet anthropométrique va de nouveau être imposé aux personnes qui ont subi jusqu'à 6 ans d'assignation à résidence. Sandra Théodore. Je pense qu'ils étaient brisés, en fait. Ils sont repartis une main devant, une main derrière, et voilà, c'est tout. Mais bon, c'était la liberté et c'était déjà ça d'acquis pour eux, de gagner. Après, il faut se reconstruire. Là, tout a été la difficulté. Comment est-ce qu'ils ont recommencé à zéro ? Ils ont vécu dans les bidonvilles et ils ont complètement sombré. Ils n'ont jamais pu reprendre une vie en main. Ils n'ont jamais repris une activité, etc. Ils ont vécu comme ça, dans des conditions de vie absolument inhumaines. Ils sont restés là tout le temps ? Ils sont restés là tout le temps, oui. Ah, oui. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, de toute façon. Ils se sont jamais reconstruits, n'ont jamais pu se reconstruire après la guerre. Pour ma famille, c'est clair, ils se sont sédentarisés par la force, par la peur. Parce qu'ils avaient peur que ça recommence une deuxième fois. Comme on autorise les nomades à reprendre la route, en miroir, on autorise les maires et les préfets à prendre des arrêtés d'interdiction de stationnement sur la voie publique. Et c'est à partir de 1946 qu'on va voir fleurir sur le territoire français des panneaux interdits aux nomades. Mais assez rapidement, ça va être jugé anticonstitutionnel, mais le mal est fait. Les maires et les préfets ont pris l'habitude d'interdire l'accès au territoire à ces différentes populations. Et donc le voyage va être rendu encore plus difficile. Quand mon père, il a été, là, il a fait les camps, là, il a été libéré à Montreuil-Belay. Il est sorti, ils n'ont pas donné d'argent, ils ont pas, en Guinée qu'il est sorti. Hein, 3 ans, les mêmes papiers sur le dos, hein, il n'en reste plus. Hein. Alors, il est retourné à Darnétal. pour récupérer son matériel. Mais comme il arrivait à Darnétal, il n'y avait plus rien. Plus de caravane, plus rien du tout, c'était nettoyé, quoi. Alors ça fait que dès là, d'après ma soeur, moi je sais pas, il paraît qu'il s'est mis à pleurer, et puis bon. Il est parti en Belgique. Alors comme en Belgique, il avait des frères, tout ça, des sœurs, il l'a remonté, si vous voulez. Ils ont payé une caravane, un cheval, et puis il a recommencé à faire des petites fêtes, quoi. Alors moi, je cherchais là, je savais pas qu'il était en Belgique. Puis là, après, j'ai fait un peu de marché, et là, j'ai fait la connaissance d'un Belge. Un Belge qui venait chercher. Puis on discute, tout ça. Ben, il dit Hubert Leroux, tu vois. Ben, il dit, je l'ai vu, il était avant-hier à Trois Ponts, en train de faire la fête. Hubert Leroux, c'était votre père? Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pris un vélo, je suis parti en Belgique en vélo. Alors quand il m'a dit ça, ils sont descendus le vélo direct. Il était près de Luxembourg, là. Et là, j'ai retrouvé mes parents. Là, quand je suis arrivé... C'est-à-dire, je vois le matin, une femme sur la route avec un panier, c'était ma sœur. Puis, elle me double comme ça, puis je me retourne, elle se retourne, Raymond, poup, hop. Ça a été, du coup, le panier tombe par terre, là, avec la marchandise, tout. Alors, quand je suis arrivé, mon père était arrêté près de Tissé-Rivière, là. Ma mère, elle m'a vu arriver, donc, elle est tombée par terre. Je croyais que j'étais mort, hein. Mais j'ai revoyagé, oui. Je travaillais dans les champs. Il y a que l'hiver, je faisais la ferraille, parce qu'il n'y avait pas de travail dans les champs. Vous n'avez pas refait le cinéma, le cirque, tout ça? Votre père, ça, il a laissé tomber? Avec quoi, madame? Vous voyez pas ce qu'il faut, hein? Rien que le matériel, c'est des millions qu'il en prend à mon père, à l'époque, hein? On a eu des sous, bon, ils ont tout pris. Ils ont même pas rendu les bijoux qu'ils ont volés, là. C'est ça que j'appelle ça voler, moi, hein. Ilsen About, historien. Pour les spoliations, en fait, la spoliation des biens spoliés ou dépossédés au cours de la persécution anti-Tzigane en France n'est pas reconnue jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de création de commission d'évaluation de la nature de ces biens, à la différence, évidemment, de l'histoire des spoliations consécutives aux persécutions antisémites en France, qui a donné lieu à la création de la mission Matteoli. Donc, il n'y a pas eu de processus d'indemnisation de ces biens, même si certaines personnes ont tenté de récupérer leurs biens lors de leur demande de reconnaissance sous le statut de interné politique. À l'époque, on avait écrit au CIVS, donc la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation. On a reçu une réponse statuant le fait que, comme ils appartiennent entre guillemets à la communauté des gens du voliage, que le décret, le champ n'est pas applicable pour ce type de population, contrairement à nos concitoyens juifs en fait, où vraiment le décret est applicable pour les juifs. Comme les juifs, on a souffert aussi de ces persécutions raciales. Et il est clairement statué, et aucun historien ne pourra dire le contraire, que mon grand-père, il est statué dans le procès verbal d'arrestation comme quoi il est de type Romani. Et si ce n'est pas racial, qu'on m'explique alors. Voilà. Déjà, premièrement, il n'y a jamais eu de compte en France de combien de personnes catégorisées comme nomades ont été internées ou assignées à résidence. On ne le sait pas. Il n'existe pas de liste des internés en France ou des assignés en France. Il n'existe pas non plus de compte précis du nombre de camps d'internement et de lieux d'assignation à résidence. On ne sait pas non plus combien de personnes précisément ont été déportées depuis la France. Et si de très nombreuses associations et collectifs de voyageurs se battent depuis plusieurs années pour la reconnaissance du génocide des Tziganes et de ses persécutions, on ne leur a jamais donné les moyens de compter les victimes, compter le nombre de sites, de recenser les lieux des persécutions, des massacres, etc. François Hollande à Montreuil-Bellay le 29 octobre 2016. Aujourd'hui, à Montreuil-Bellay, la France se souvient d'un drame terrible, qui a été ignoré, oublié, refoulé pendant trop longtemps, et qu'il était nécessaire d'évoquer pour réparer une injustice. Le drame, c'est celui qu'ont vécu des milliers de femmes, hommes et enfants qui ont été internés de force en France entre 1940 et 1946. Parce qu'ils vivaient différemment et qu'ils étaient des nomades, des tziganes, des gens du voyage, des Français. Et il fallait que cette vérité fût dite au plus haut niveau de l'État. La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame. Aujourd'hui, ce qui manque en France, c'est un vrai mémorial. Pas juste une statue, c'est un vrai mémorial, c'est un centre de recherche, de ressources, d'accueil pour les jeunes voyageurs, de financement de thèses, d'historiens, de chercheurs, de gens qui écrivent. Il nous manque ça, il nous manque un vrai musée, un vrai mémorial, un peu comme le modèle peut-être du mémorial de la Shoah. En fait, il nous manque ça pour préserver cette mémoire et en faire une mémoire aussi nationale, européenne, et que les restes des Français la connaissent, parce que c'est un des gros enjeux pour les voyageurs au XXIe siècle. Prise de son et mixage Florent Layani, attaché de production Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales, Archivina, Mylène Touchet et Nawel Baba Ali. Merci à Ilsen About, William Acker, Henriette Asseo, Lise Foineau, Michael Guérin, Raymond Gurem, Théophile Leroy, Renardo Laurier, Stéphane Reinhardt, Émile Schetz, Dylan Chute, Michel Soulès, Sandra Théodore et à Lénie Mauduit de la médiathèque Matteo Maximoff. Dans l'ombre de l'antidziganisme, troisième épisode, La République contre les nomades. Un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Gaëlle Gillot.